franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un fantôme qui a hanté et qui hante toujours une partie de la droite française, Didier Schuller, seul homme politique condamné dans le dossier de l'office HLM des Hauts-de-Seine et du financement occulte du RPR entre 1988 et 1995. Cette histoire a porté plusieurs noms selon les années, l'avancée de l'instruction. On l'a appelée l'affaire des fausses factures, l'affaire Tibéri, l'affaire Maréchal, l'affaire du juge Alphen, des écoutes de Matignon, des Balkany et bien entendu celle du conseiller général candidat à la mairie de Clichy, Didier Schuller. Elle s'est étalée sur différentes périodes, a éclaté, puis rebondi lors de deux cohabitations, celle de 93 et de 97, a bouleversé les dernières semaines de la présidence de François Mitterrand et celle de Jacques Chirac. Oui, les deux. Elle s'est déroulée dans différents lieux, dans les Hauts-de-Seine, à Paris, mais aussi à Genève, Londres, les Bahamas et Saint-Domingue. En un mot, commençant une affaire d'État, dans le cadre de laquelle des ministres, un premier ministre et un président ont dû répondre publiquement aux accusations et aux interrogations des journalistes et de la justice. Un dossier enfin où la vie de témoins, juges et accusés a été bouleversée par des années de procédures, de rumeurs et de coups tordus. Personnage principal de notre récit aujourd'hui, Didier Schuller, donc. Désormais soldat repenti, il a été l'un des hommes clés du clan des Hauts-de-Seine. Fidèle de Charles Pasqua, compagnon de vacances et de campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy et de Patrick Balkany, il s'est rêvé comme prince RPR d'une commune du 92, la chasse gardée des néo-gaullistes. Mais Didier Schuller ne sera jamais ni maire, ni député et encore moins ministre. Il restera le candidat fuyard, accusé, jugé et condamné pour avoir participé à la mécanique du financement illégal des campagnes du RPR. Reste cette question. Était-il le seul aux commandes? Non, affirme-t-il, depuis 20 ans. Pour en parler en seconde partie d'émission, nos deux invités, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, journalistes au Monde et auteurs du livre French Connection, publié en 2013, ouvrage qui revient sur le parcours de Didier Schuller, de ses débuts en politique jusqu'à son purgatoire judiciaire. Bonjour messieurs. Et bonjour. À tout à l'heure. Bonjour. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production Léa Dupouyenne-Quin et Lucille Valéry. Programmation musicale Muriel Pérez. Coordination Christophe Barrère. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter. C'est le début de la marche vers la victoire. Ensemble, nous allons construire cette victoire sur un simple principe. La vérité pour les Clichoises et les Clichois. Le 21 novembre 2013, à deux pas de la mairie de Clichy-la-Garenne, micro à la main, debout sur une chaise, un homme au visage désormais un peu rond, le grâne dégarni, rêve d'une ultime revanche, rafler la mairie à la gauche et à ses anciens compagnons de droite. Voilà un an, presque jour pour jour, que Didier Schuller a annoncé son retour sur cette terre de Haute-Seine. Dans cette ville, pour beaucoup, Schuller, c'est le nom d'un revenant qu'on pensait à jamais perdu. Il y a 20 ans, en effet, sur les panneaux électoraux de Clichy, c'est son visage et son nom en lettres blanches sur fond bleu qu'on voyait. Beaucoup se souviennent sans doute de lui, de sa permanence en face de la mairie, de ses cadeaux et de sa femme toujours à ses côtés sur les marchés. 1994 a été l'année de sa première campagne en son nom, l'année de sa première victoire, sa dernière. Et par un heureux hasard, un réalisateur le suit pendant plusieurs mois. Voilà, vous êtes bien. Je veux Le calendrier, vous allez le recevoir. Ah, bon. Merci. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonne année. Comment ça va? Vous allez bien? Tous mes voeux, bonne année, bonne santé. Vous avez le calendrier, ça y est, c'est fait? Merci, à bientôt. Oui. Durant cette campagne, le réalisateur Christophe Otzenberger est présent. Pendant des semaines, il filme Schuller dans la rue, au sein de sa permanence ou lors de dîners et de réunions publiques. Sur ces images, on découvre un homme beau parleur, vantard et populiste, le sourire appuyé, toujours prêt à faire une bise, à discuter quelques instants avec un passant ou une connaissance. L'homme aime parler, séduire et raconter des anecdotes. C'est l'homo politicus. En ce début d'année 94, pour les clichoises et les clichois, Didier Schuller est une personnalité connue et reconnue dont on apprécie l'attention et la gentillesse, mais alors pour les Français, il est encore un parfait inconnu. Enfant de bonne famille, diplômé de droit, il fait ses armes en politique en tant qu'assistant parlementaire, puis travaille dans les différents cabinets de la République. Sous Pompidou, au sein du service Action Civique, il joue les porteurs de valises pour les barbouzes gaullistes et il rencontre Charles Pasqua. En mai 81, c'est avec le Corse des Hauts-de-Seine et Patrick Balkany qu'il fête la victoire de François Mitterrand, oui, pour qui il a voté à la demande de Jacques Chirac. En 1986, sous l'amicale pression de Charles Pasqua et dans le sillage de la victoire de Patrick Balkany à la mairie de Levallois-Perret, Didier Schuller devient directeur général de l'Office public des HLM du 92, présidé alors par Patrick Balkany. À l'époque, cumuler était la règle. La même année, après de bons et loyaux services, Schuller quitte l'Office pour partir à la conquête du bastion socialiste de Clichy, toujours dans les Hauts-de-Seine, cet étrange département constitué de villes qui se ressemblent toutes, dans lesquelles on voit des foules plus ou moins défiscalisées déambuler sur des trottoirs nettoyés au coton-tige. Pour accomplir sa tâche, il utilise les méthodes victorieuses de son camarade et voisin de Levallois-Perret. Sa permanence devient alors une sorte de contre-mairie où l'on passe pour obtenir des conseils, des services, des coups de pouce pour un emploi ou un logement, ou les deux. Et parfois, pour les jours de fête et selon les âges, on peut venir chercher son panier Noël ou réserver une place pour un voyage organisé. Voilà, vous avez un problème, passez donc à la permanence, on trouvera une solution. Il a été convoqué à... au boulevard Victor Hugo, là, pour la régie... Ils m'ont trouvé du boulot. Quand même. C'est vrai? Oui. C'est quoi? Dans la peinture. Vous êtes pas passé à la permanence pour. Parce que nous, on est en train. On a un type très très bien qui s'occupe des problèmes d'emploi. Passez le voir parce qu'il peut, notamment en peinture, je pense qu'il peut vous trouver quelque chose de plus stable. Il vaut mieux essayer. Je ne vous promets rien, mais il s'occupe. Il est président en plus du tribunal des prud'hommes. Donc il connaît énormément de gens, il connaît beaucoup d'entreprises. Parce que, donc il est bien passé. J'ai remarqué ça. Le 29 mars 1994, Didier Schuller remporte les cantonales. Sauf accident, il sera le prochain maire de Clichy. Mais à la fin de l'année 94, l'homme à la mode dans cette ville fait la une des médias du pays. Bonsoir. Un juge sous les projecteurs, le beau-père du juge Alphen, a proposé à un élu RPR d'écraser l'affaire des fausses factures contre 1 million de francs. Au profit de Didier Schuller... conseiller général RPR de Clichy. Ah, quel malheur d'avoir un beau-père, pourrait dire aujourd'hui le juge Alphen, qui instruit l'affaire des fausses factures d'Île-de-France. C'est assez compliqué, je vous explique. Le personnage en cause est le beau-père du juge d'instruction, Éric Alphen, qui instruit actuellement un dossier de fausses factures de l'office des HLM des Hauts-de-Seine. Éric Alphen, juge d'instruction au tribunal de Créteil, en charge du dossier des fausses factures du RPR, se retrouve dans une situation inconfortable. Eh bien, son beau-père se serait fait verser, d'après les policiers, la somme de 1 million de francs des mains de la femme de M. Schuller. Conseiller général RPR des Hauts-de-Seine, un des principaux incriminés dans l'enquête du juge. L'histoire commence un mois avant l'élection de M. Schuller. Au tribunal de grande instance de Créteil, un juge, Éric Alphen, reçoit une pochette rose des services fiscaux avec une note qui pointe des paiements douteux de plusieurs sociétés d'un chef d'entreprise. Bon, jusque-là, rien de très original. À ceci près qu'on note plusieurs références à des marchés publics avec les offices HLM de Paris et des Hauts-de-Seine. Le juge lance alors ses investigations et découvre une affaire bien plus importante. La SAR, Société d'application et de revêtement, dirigée par Francis Poulain, a payé plusieurs millions de francs de factures émises par d'autres entreprises pour des prestations totalement fictives. Et parmi les fournisseurs fictifs, un nom, celui de Jean-Claude Méry. Promoteur, homme d'affaires, dirigeant d'un cabinet de conseil et ancien membre du comité central du RPR, il a encaissé, en échange de ses services, disons, d'assistance commerciale, plus de 38 millions de francs provenant de sociétés du bâtiment et des travaux publics. Le 4 août 1994, Francis Poulain est mis en examen. Fin septembre, c'est Jean-Claude Méry qui passe devant le juge d'instruction. La petite pochette rose cachait en fait une affaire d'État qui va bouleverser la vie du juge et de la République, pas moins. L'affaire commence à faire les gros titres et de plus en plus de noms sont cités, dont celui de Didier Schuller. Dans Le Monde, daté du 9 octobre 1994, on découvre certaines confidences de Francis Poulain faites au juge d'instruction. Le chef d'entreprise raconte que sans Jean-Claude Méry, jamais il n'aurait pu travailler avec les HLM parisiens. Jamais il ne serait devenu l'un des partenaires les plus réguliers de l'Office des Hauts-de-Seine. Il payait donc des commissions sur chaque contrat passé avec l'Office et soutenait financièrement les campagnes de candidats RPR, dont celle de Didier Schouler. Comment ? Eh bien, il a acheté des pleines pages de publicité au sein des journaux électoraux de l'opposition, le Clichois, pour la modique somme de 100 800 francs la page, un prix que seuls les journaux nationaux peuvent se permettre de demander. Le 13 décembre, après avoir mis en examen 15 personnes, dont l'ancien directeur du cabinet de Jacques Chirac, Michel Roussin, le juge Alphen débarque aux 3 rues de la Villeneuve à Clichy et perquisitionne le journal local du chef de l'opposition. L'affaire suit son cours, mais 7 jours plus tard, un événement inattendu bouleverse l'instruction. Le 20 décembre, le juge Alphen est convoqué par le procureur de Créteil. Comme accueil, une simple question. « Connaissez-vous un certain monsieur Maréchal ?» Le juge répond « Oui, oui, mon beau-père s'appelle Maréchal, pourquoi ?» Il a demandé de l'argent aux proches de Didier Schouler, il est en garde à vue. Le soir même, Maréchal, Schouler, Alphen font l'ouverture de journaux de 20 heures, les noms sont cités constamment. Le lendemain, lors d'une conférence de presse organisée dans une salle de la mairie de Levallois-Perret, prêtée par l'ami Patrick Balkany, Didier Schouler parle, raconte l'incroyable affaire Maréchal et s'interroge sur la possibilité du juge Alphen de poursuivre son instruction. Il m'a dit, voilà, en ce qui vous concerne, il y a des rumeurs sur vous qui sont véhiculées par le Canard Enchaîné, je peux y mettre fin. En ce qui concerne le Rassemblement pour la République, je suis sympathisant du RPR. Je souhaite que le RPR gagne les présidentielles, donc je suis prêt à agir sur les dossiers qui concernent le RPR. En contrepartie, je demande une compensation financière, et il m'a dit un gros paquet d'argent. Le développement et le décorum qui a été fait, ainsi que l'exploitation qui a été donnée à cette perquisition, m'a fait un peu réfléchir et je me suis dit... Le docteur Maréchal m'explique qu'il a une formidable influence sur son gendre, par le biais de sa fille et directement. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'on n'est pas là, dans une enquête judiciaire qui est une enquête sous influence ? Quelques années après, dans un livre et lors d'interviews, Didier Schouler en dit un peu plus sur cette incroyable affaire. Le piège contre le beau-père du juge s'est mis en place le 15 décembre 1994, soit 2 jours après la perquisition du journal électoral du RPR de Clichy. Ce jour-là, Didier Schouler arrive au Conseil Général. Jean Pasqua, président et ministre de l'Intérieur, l'invite à le rejoindre. À son arrivée, l'ami Charles ne s'éternise pas en palabres. Il demande à Schouler de s'asseoir et d'attendre près du combiné. Alors le téléphone sonne. C'est le directeur de cabinet de la place Beauvau, Édouard Lacroix, qui lui dit... « Décision a été prise, il faut porter plainte contre M. Maréchal. » Didier Schouler acquiesce. Puis, c'est une autre voix, celle de Jacques Franquet, qui l'interpelle. Le directeur central de la police judiciaire en personne demande à Didier Schouler de ne pas bouger, il va le rejoindre. Quelques heures plus tard, le premier flic de France est à Nanterre, où il reçoit la plainte de M. le conseiller général, ami du ministre et futur candidat à la mairie de Clichy. Dans les jours qui suivent, sous la houlette de la police judiciaire, un piège est alors imaginé pour pousser le beau-père du juge à rencontrer Didier Schouler. Après plusieurs conversations téléphoniques, tout enregistré, un rendez-vous est fixé pour le 20 décembre à Roissy. Ce jour-là, le docteur Maréchal rencontre Didier Schouler et accepte 1 000 000 francs, puis se fait cueillir seul par les policiers. Comment peut-on stopper une enquête judiciaire ? Attaquer le juge, cibler ses faiblesses, le décrédibiliser, puis espérer qu'il jette l'éponge ou que le parquet change de dossier de main. Sauf que ce petit guet-apens pour faire tomber le beau-père du juge Alphen revient tel un boomerang sur le gouvernement. Éditorialistes, juges et politiques s'interrogent sur la chronologie et les moyens mis en place pour cette opération. Peu à peu, la presse pointe les irrégularités dans la procédure, notamment la transcription des enregistrements téléphoniques qui ont été opérés en phase d'enquête préliminaire et non pas après l'ouverture d'une information judiciaire. Le 23 décembre 1994, le président de la République, François Mitterrand, entre dans la danse. Alors qu'Édouard Balladur est en route pour Chamonix, il le convoque et lui demande de rentrer. Il écoute, puis le laisse partir. Par communiqué, on apprend alors que le chef de l'État saisit le Conseil supérieur de la magistrature pour rendre un avis sur l'éventualité du dessaisissement du juge Alphen. Le 1er février, après plusieurs réunions et auditions, le CSM apporte son soutien au juge Alphen. Le lendemain, l'affaire des fausses factures liées à des entreprises prestataires de l'office HLM du 92 rebondit. Rebondissement dans l'affaire des fausses factures RPR, celle où est impliqué Didier Schouler, le conseiller général des Hauts-de-Seine. Affaire qui est instruite par le juge Alphen. Jeudi dernier, un proche de Didier Schouler a été arrêté en flagrant délit alors qu'une responsable d'entreprise lui remettait des fonds. Tout se joue fin janvier 95. Dans son bureau, le juge Alphen reçoit un coup de fil anonyme qui l'informe d'une rencontre discrète dans un hôtel de Nogent-sur-Marne en lien avec la procédure sur les HLM de Paris et des Hauts-de-Seine. Le juge note et prévient le parquet de Créteil. Une enquête de flagrance est alors ouverte et les policiers sont envoyés au lieu et à l'heure indiquée. Sur place, ils arrêtent un certain Jean-Paul Schimpf qui recevait deux enveloppes d'une valeur de 50 000 francs des mains de Françoise Montfort, chef d'entreprise d'une société de nettoyage. Devant les juges Portelli et Van Dingenen, en charge désormais de l'affaire autour des HLM du 92, l'entrepreneuse reconnaît verser régulièrement, depuis 1975, des commissions sur les marchés d'entretien et de maintenance. Des commissions qui s'élèvent entre 3 et 5% du montant du marché. Concernant Jean-Paul Schimpf, en plus du flagrant délit, les enquêteurs découvrent un prêt d'une somme d'un million de francs émanant d'un établissement financier suisse au nom de Christelle Delaval, compagne de Didier Schouler. L'amitié entre les deux hommes n'est un secret pour personne. Ancien dirigeant d'une société de travaux publics, homme d'affaires qui vit entre Paris et Hong Kong, compagnon de loge et de parti de chasse, Schimpf est un proche du candidat de droite à la mairie de Clichy. Le 10 février 95, le domicile du couple Schouler-Delaval est perquisitionné. Les policiers découvrent de nombreux documents compromettants, dont un lot de factures, pour un montant de plusieurs millions de francs, émanant toutes d'entreprises titulaires de marché de l'office des HLM des Hauts-de-Seine. Mais aucune trace du couple. Où est-il ? En attendant de retrouver leurs traces, l'affaire est devenue un sujet de la campagne présidentielle. En plus des mises en examen et des perquisitions, la Cour d'appel de Paris annule les écoutes téléphoniques accomplies par la police avant l'arrestation du docteur Maréchal. Après des prises de parole divergentes entre le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice, le Premier ministre Édouard Balladur sort de son silence. Le 19 février, soit un mois après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle, il répond à la polémique sur le plateau d'Antenne 2 et tente de sauver la face. Le Premier ministre est ce soir notre invité, bonsoir. Bonsoir. Vous allez répondre à nos questions en compagnie d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel. Je voudrais pour commencer évoquer une affaire qui continue de défrayer la chronique, l'affaire Maréchal-Schouler. Votre service de presse a confirmé que l'hôtel Matignon avait autorisé l'interception de la ligne téléphonique du docteur Maréchal. Pourquoi est-ce que vous avez jugé nécessaire ces écoutes téléphoniques ? D'abord, c'est la première fois que le Premier ministre fait un communiqué de ce genre. En second lieu, les procédures sont parfaitement claires quand il y a urgence. Monsieur le Premier ministre, les écoutes téléphoniques, normalement, sont prévues, y compris dans les cas d'urgence, quand il s'agit d'affaires d'une extrême importance, le terrorisme ou le grand banditisme, ou bien la sécurité de la France. Apparemment, ce n'est pas du tout une affaire de cette importance. Alors, qui a commis une faute ? L'hôtel Matignon, les collaborateurs du Premier ministre, ont uniquement à vérifier la régularité de la procédure. Ils n'ont pas à refaire l'instruction des choses, faute de quoi il n'y aurait plus urgence. Quand on vous téléphone, notamment des affaires de trafic de drogue, pour dire « je demande que très rapidement on intervienne parce qu'il y a un flagrant délit », on ne va pas recommencer toute l'instruction de la chose. Je répète que les choses se sont passées de façon parfaitement régulière. Parfaitement régulière, et je mets au défi quiconque de prouver le contraire. Le Premier ministre sait-il à ce moment précis que Didier Schouler est en fuite à l'étranger ? Le 29 mars 95, le quotidien Helvétique, la Tribune de Genève, publie un long entretien avec lui, réalisé par téléphone depuis quelque part, on ne sait pas où. Didier Schouler affirme être victime d'un véritable guet-apens juridico-médiatique et il annonce son refus de rentrer en France avant l'élection présidentielle. Le 23 avril, Édouard Balladur, pourtant favori des sondages pendant plusieurs mois, est éliminé au premier tour. Deux semaines plus tard, Jacques Chirac entre à l'Élysée. Didier Schouler, lui, entame la première année de son septennat de cavale. Où est-il ? Qui l'a aidé à s'enfuir et à vivre ? Quand reviendra-t-il ? I wanna come over, I wanna look closer, step 4 février 2002, aéroport de Saint-Domingue. Peu avant 1h du matin, à bord de l'avion Air France par le vol 3694, Didier Schuller quitte cette île où il avait trouvé refuge depuis des années. Pendant 7 ans, de 1995 à 2002, à distance et au soleil, Didier Schuller a suivi de loin les rebondissements politiques et judiciaires de ses anciennes terres. En mai 1996, il était aux Bahamas quand son ami Patrick Balkany a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour avoir employé à son service 3 employés municipaux rémunérés par la mairie. C'est à des milliers de kilomètres de Clichy sur l'île de Paradise Island, entre Miami et La Havane, qu'un an plus tard, un journaliste de l'Obs retrouve sa trace. Avant de prendre de nouveau la fuite, Didier Schuller sort de son silence lors d'un entretien avec un journaliste du Monde. L'ancien conseiller général parle alors de sa vie de retraité fortuné en cavale, des raisons de son départ précipité, des enquêtes liées à ses activités au sein de l'office HLM du 92, où il pointe le rôle du président de l'office à l'époque, un certain Patrick Balkany. Le 21 décembre 1997, l'entretien fait la une, Schuller recommence une vie à Saint-Domingue, à l'abri de la justice française. L'ancien conseiller général des Hauts-de-Seine est un drôle de fugitif. Il n'a rien changé à son physique, à ses habitudes. Il n'a ni barbe, ni lunettes ou chapeau. Seules les années ont modifié les traits de son visage. Il possède des papiers, une carte bancaire et même des passeports. Début 96, il en reçoit 6, de nationalité belge, totalement vierge avec les tampons officiels. Sur le sien, il inscrit le nom de Jean Vizer. Grâce à ses papiers officiels, il voyage d'île en île, visite l'Amérique du Sud et travaille. À Saint-Domingue, l'exilé recherché devient notable. Il a des amis influents, dont le consul des États-Unis, William Kirkman. Il travaille pour de grands groupes français, la Compagnie des Eaux, entre autres, et intéresse même des personnalités politiques locales, dont Milagros Ortiz Bosch, sénatrice du Parti révolutionnaire dominicain, qui souhaite devenir présidente. Schuller intègre son équipe de campagne, devient l'un des conseillers influents, assiste aux meetings, trouve des soutiens financiers, recycle les ficelles des campagnes Made in 92, dont la distribution des cadeaux de Noël, les canastas, comme on dit là-bas. Après plusieurs mois de campagne, et après avoir poussé sa candidate à s'unir avec son rival, Didier Schuller fête la victoire au palais de la présidence. Bref, tout va bien pour lui, jusqu'au 21 janvier 2002. Ce jour-là, dans un entretien au journal Le Parisien, son fils Antoine révèle le lieu de retraite de son père. Trahi, Didier Schuller accepte de rentrer. Le 31 janvier 2002, en direct de Saint-Domingue, il s'en explique par téléphone lors du 20h de France 2. Ici, vous savez, on se demande s'il rentre juste avant la présidentielle, est-ce que ça ne va pas avoir une influence? Alors vous dites, je ne voudrais pas contribuer à la défaite de Jacques Chirac. Mais en même temps, vous dites sur les affaires des HLM, par exemple, c'était pour le bénéfice du RPR. Donc, est-ce que, de fait, vous n'allez pas avoir un impact sur cette élection? Écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit, vous voulez pas porter le chapeau. Je pense que ça fait 7 ans que je porte le chapeau. Ça suffit comme ça. Pour donner une image, quand il y a un problème dans un avion, on peut mettre en cause la compagnie. On peut mettre parfois le pilote en cause. En tout cas, je pense qu'il est extrêmement rare qu'on s'attaque au chef de cabine. Bien moi, dans le problème des HLM de la région parisienne, j'étais un chef de cabine. Et alors, qui était la compagnie? Qui était le pilote? Écoutez, ça paraît clair, non? Mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur, en rentrant en France, d'être placé en détention? Est-ce que vous avez envisagé cela? Mais écoutez, les personnes qui, au sein de l'Office des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire le président de l'Office, et le directeur général adjoint qui possédait la délégation de pouvoir en matière de marché public ont été mis en examen et ont été laissés en liberté sans contrôle judiciaire. Pourquoi devrais-je subir un autre sort ? Le 5 février 2002, 7 ans après son départ, Didier Schuller arrive à Roissy. Dès son arrivée, il est présenté au juge chargé d'affaires des HLM des Hauts-de-Seine. Mis en examen pour trafic d'influence et abus de biens sociaux, il rejoint une cellule à la santé au quartier VIP. Et comme en 95, de nombreuses personnalités politiques de droite crient au complot et à l'incroyable coïncidence de ce retour, pensez-vous, à 3 mois d'élection présidentielle. Selon le Canard enchaîné, une réunion est même organisée à l'Élysée sous la houlette du président Chirac pour estimer les risques liés à ce retour. D'ailleurs, pourquoi est-il revenu? Pourquoi a-t-il décidé d'être défendu par un avocat proche du Parti Socialiste? Que peut-il dire? Au sein de la majorité présidentielle, Schuller est un peu le Voldemort de la saga Harry Potter, ce puissant mage noir dont il ne faut jamais prononcer le nom, sous peine de le faire revenir, lui et son cortège de malheur. Le 11 février 2002, le jour même où Jacques Chirac annonce sa candidature, le président désormais candidat, donc, est invité sur le plateau TF1. Après les questions classiques sur son bilan, son projet, Patrick Poivre d'Arvor l'interroge sur les affaires liées au RPR et aux offices HLM de Paris et des Hauts-de-Seine, puis sur Didier Schuller. Schuller, je ne connais pas. Je n'ai jamais, je vous le dis bien, jamais entendu parler de cette affaire, même si ces choses ne sont pas réglées par les présidents ou les secrétaires généraux des partis, mais par leurs trésoriers. Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire et par conséquent, je la conteste totalement. Et Didier Schuller, vous ne le connaissez pas ? Je me suis peut-être trouvé dans un endroit avec lui, mais je ne le connaissais pas personnellement. Jamais ? Vraiment ? Deux jours plus tard, VSD, Le Monde et Le Canard enchaîné publient de nombreuses photos. L'on peut voir Didier Schuller et le président ensemble. 24 jours après son entrée à la prison de la Santé, l'ancien conseiller général est libéré sous caution. À sa sortie, il ne fait aucune déclaration. Didier la menace, comme on l'appelle dans les rangs de la majorité, semble assagi. Pas vraiment, en fait. L'ancien conseiller général a profité de son séjour en prison pour écrire et raconter sa version des histoires dans lesquelles il est cité. Son livre, intitulé « Je reviens », sort en avril 2002, soit quelques semaines après la sortie d'un autre livre attendu, celui-là « 7 ans de silence » du juge Éric Alphen. Dans ses confidences, Didier Schuller revient sur son parcours politique durant lequel il a rencontré à plusieurs reprises Jacques Chirac, qu'il connaît depuis 1971. Il raconte avec précision comment Charles Pasqua ainsi que des membres du cabinet d'Édouard Balladur lui ont demandé de porter plainte contre le docteur Maréchal et de suivre les instructions pour son arrestation. Il révèle également le rôle de son ancien ami et actuel avocat du président de la République, Francis Spinner, dans sa fuite pendant 7 ans. Des anecdotes qui font plaisir des éditorialistes, bien sûr, mais qui n'ont finalement que peu de conséquences sur la présidentielle. Même pas du tout d'ailleurs, puisque le 21 avril 2002, Lionel Jospin est éliminé du second tour de la présidentielle. 2 semaines plus tard, Jacques Chirac est réélu. Aux législatives de juin 2002, Patrick Balkany remporte un siège de député des Hauts-de-Seine, tout comme Nicolas Sarkozy. Le clan du 92 reste aux affaires. Didier Schuller, lui, attend son procès. Mardi 21 juin 2005. En ce premier jour d'été, deux hommes, deux anciens amis du clan des Hauts-de-Seine, arrivent au palais de justice. Le premier, Didier Schuller, sacoche à la main, tête basse, poursuivi pour trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux, refuse de parler. Le second, le député-maire Patrick Balkany, peau bronzée, sourire aux lèvres, s'arrête et déclare au journaliste qu'il attend sans crainte le déroulé de ce procès. Pour un homme politique comme ça, un député à la barre, dans le... sur le banc des prévenus, ça donne un peu de relief, ça fait venir la presse. Vous auriez peut-être pas été là si j'avais pas été là. Je lui en veux de rien, je lui en veux de tout. Je pense que s'il était resté en France au moment où il avait eu quelques problèmes, on n'en serait pas là 10 ans après. C'est ce que vous lui aviez conseillé à l'époque ? Ah oui, tout à fait. Moi et tous ses amis sincères qu'il n'a pas écoutés. À la barre, Didier Schuller raconte son engagement, ses passages dans les différents cabinets de la République, jusqu'à son arrivée dans la sphère du 92 auprès de Patrick Balkany. Il le répète, il n'était qu'un pion d'un système beaucoup plus vaste. Directeur général de l'Office, il n'avait, affirme-t-il, aucun pouvoir de décision sur l'attribution des marchés publics. Puis c'est son ancienne compagne, Christelle Delaval, également inculpée dans une affaire de financement illégal du RPR au début des années 90, qui raconte ses années à Clichy, le soutien apporté à son mari pendant la campagne. Selon elle, c'est son copain Balkany qui lui aurait expliqué comment aider son compagnon et trouver de l'argent pour financer la campagne. Entre 1989 et 1995, elle se consacre entièrement à l'ambition politique de son mari et participe à son financement occulte via son cabinet de conseil en gestion, avec lequel elle facture à des entreprises complaisantes des prestations bidons. Après la campagne en campagne, ce sont les chefs d'entreprise et collecteurs de fonds qui racontent comment ils ont obtenu des marchés publics en échange de rétributions financières, comment ils ont aidé financièrement le candidat Schuller en achetant des pages de publicité du journal électoral. Après plusieurs journées d'audience, le réquisitoire du substitut du procureur demande pour Didier Schuller 4 ans de prison, dont un ferme. Pour le substitut, le prévenu, ce vantard et fanfaron, un but de sa personne, voire mégalomane, qui aime paraître avec les puissants, dit-il, avait les pleins pouvoirs du directeur de l'office. Quelques mois plus tard, le jugement lui donne raison. Le mardi 18 octobre 2005, Didier Schuller est reconnu coupable d'avoir financé illégalement par des entreprises entre 1988 et 1995 son activité politique dans sa ville de Clichy. Il est condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis et 150 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Créteil. Patrick Balkany, ancien président de l'office HLM du 92, qui était soupçonné d'avoir conseillé l'ancienne compagne de Didier Schuller, est relaxé. À la sortie, Schuller, amer, accepte le verdict. Il y a eu d'autres procès de financement politique. Je considère, je l'ai déjà dit, mais que je n'étais qu'un steward de la compagnie aérienne et que quand on veut faire porter au steward la charge d'un crash, ça ne me paraît pas normal. En 2012, après avoir retrouvé ses droits civiques, Didier Schuller annonce un comeback et se lance en campagne pour l'élection municipale de Clichy. Lors du premier tour, il arrive en troisième position, c'était en 2014, en troisième position derrière le candidat socialiste et celui de l'UMP. Il le promet désormais, la politique est derrière lui. Clichy ne verra plus jamais des affiches électorales avec le nom de Schuller. Il ne sera ni maire, ni député, ni ministre. Sera-t-il le seul au bout du compte, le seul élu condamné dans l'affaire des HLM de Haute-Seine? Et surtout, qu'était-il d'ailleurs dans l'avion? Pilote? Chef de cabine? Cet avion RPR des Hauts-de-Seine qui s'est crashé, comme il le dit? Autant de questions pour l'instant, sans réponse. Ils ne font rien, ils se situent. Ils sont consultants ambigus des hydres multinationales. Pas de nom que des initiales. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins banquiers, simples canailles. Pas de nom et pas de photos. Leurs sociétés sont étrangères, plus compliquées est le réseau qui les relie à leurs affaires. Il était grand, il était beau, il sentait bon son Lugano, mon gestionnaire. Près de Lugano était la banque Ambrosiano, là où les vierges vaticanes faisaient fructifier leurs magots. Loge P2 dans ses arcanes à deux massifs cardinaux pour les consultations diaphanes avec de joyeux mafiosos. Le fameux compte à numéro passe de Zurich à Lausanne. De Bâle à Londres, près de Sceaux, rencontra le troisième couteau. Il était chauve, il était gros, portait des fringues de chez Smalto, mon mercenaire. Prennent toujours pour plan de vol les bulletins de la météo. Ils vont toujours où il fait beau. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Schuller qui en ouvre tant d'autres quand on commence à l'ouvrir et sur lequel vous vous êtes penchés, Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Bonjour. Bonjour. Merci bonjour. D'être une nouvelle fois avec nous aujourd'hui. C'est la deuxième fois. Toujours un plaisir. Et il y en aura une troisième s'il le faut. Alors, je rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste au Monde, grand reporter. Vous êtes des journalistes enquêteurs et auteurs du livre French Corruption, construit autour du parcours et des confidences de Didier Schuller. Là, vous, on se disait tout à l'heure... Bon, évidemment, cette affaire est extrêmement compliquée. Hein. C'était difficile pour les journalistes de news à l'époque de la traiter comme ça par des petits maillons. C'est peut-être plus intéressant d'y revenir justement 20 ans plus tard en mettant tous les maillons de la chaîne. Alors c'est vrai qu'il y a 2-3 éléments, peut-être un peu plus, qui sont compliqués. Mais ça n'empêche pas de comprendre l'ensemble et on fera ça encore mieux avec vous maintenant. Comment déjà avez-vous réussi à obtenir les confidences de cet homme exécutant zélé qui retrouve la mémoire, la parole et qui vous la confie, Gérard Davet. Ben, tout simplement en faisant le travail de journaliste. Certes, mais je dois reconnaître c'est Fabrice qui a eu à travailler, Fabrice Lhomme, donc qui a eu à travailler au Monde sur ce dossier dans ses premiers instants, qui un jour a recroisé Didier Schuller sur le seuil de son cabinet d'avocat et qui s'est dit mais cet homme-là, finalement, qu'on appelait Didier la menace, a beaucoup menacé, mais n'a jamais dit vraiment les choses. Et donc, Fabrice Lhomme, à l'époque, s'est dit, mais je voudrais vraiment qu'il m'en dise plus. Et donc, du coup, il a réussi à le convaincre, et ils se sont vus à de multiples reprises. Je me suis joint à cette entreprise. Et à force de le faire parler pendant près de 5 ans, de longues séances d'auditions, d'interrogatoires, entre guillemets, il a fini par nous dire ce qu'il n'a jamais dit avant, c'est-à-dire comment se passaient les choses au sein du RPR, comment se transmettaient les valises de billets, le cash, et également, encore plus important, c'était, il nous a donné les noms, par exemple, des différentes sociétés offshore que détenait Patrick Balkany, sur lesquelles transitait l'argent occulte. Et c'est ensuite, grâce à ces confessions, à ce livre, que le juge Van Rumbeek, aujourd'hui, poursuit l'investigation sur Patrick Balkany et a fini par le mettre en examen de multiples reprises. Fabrice Lhomme, justement, les rapports entre Balkany et Schuller, avant que l'affaire n'éclate, ils travaillent bien ensemble, en fait. Ah, plus que ça, ils sont. Ça, hein, on a entendu Balkany tout à l'heure qui le lâche complètement. Quoi. Alors, bien entendu, ils ont été au départ des amis intimes, ils ont fait, on va dire, les 400 coups. D'ailleurs, Schuller, très honnêtement, reconnaît avoir de très bons souvenirs de ses premières années avec Balkany. Après, ce qui s'est passé, c'est que la justice s'en est mêlée. Les malversations qui, à l'époque, étaient monnaie courante dans les milieux politiques et en lien avec les entreprises, c'est-à-dire qu'on parle d'années où le financement politique n'était pas forcément organisé comme aujourd'hui. Les lois étaient balbutiantes sur ce point. Donc, c'était la porte ouverte à toutes les dérives. Hein. Enrichissement personnel, fausses factures, financement occulte des campagnes électorales, etc. La justice s'en est mêlée. Et là, le problème, c'est que il a fallu faire sauter le maillon de la chaîne qui gênait. Le maillon, c'était Schuller. Je crois qu'il a assez raison de se décrire un petit peu comme un steward dans un avion. Effectivement, c'était un protagoniste mineur de ces campagnes occultes de financement. Mais c'est sur lui que la justice aurait pu ou espérait s'appuyer. Donc, il a fallu prendre ses distances. Schuller évidemment ne l'a pas apprécié du tout. Et quant à Balkany, évidemment, il a fait comme les autres, c'est-à-dire qu'il a menti, hein, il n'a pas dit la vérité, il a dit que Schuller était un soldat perdu du gaullisme, en quelque sorte. Il a pris ses distances et ça lui en a coûté, puisque on va dire que Schuller s'est vengé quelques années plus tard en disant tout ce qu'il savait, notamment dans notre livre, effectivement. Et c'est pour ça qu'il l'a dit, vous avez senti, hein, Fabrice Lhomme, puisque vous avez été le premier des deux à tenter de le convaincre, vous avez senti que ce qui finalement l'a fait basculer du côté de la confidence, c'était qu'à un moment donné, c'est dit, faut quand même que je me venge, je veux pas être le seul à payer, quoi. C'est ça? Oui, alors en fait, c'est moi qui dis qu'il a voulu se venger, c'est moins trivial que ça, c'est un peu plus à son honneur, je pense. C'est simplement un homme qui savait qu'il était en fin de carrière, entre guillemets, hein, quand moi je l'ai rencontré, c'était la première rencontre doit avoir lieu en 2008, il savait savait déjà que bah, sa vie, elle était faite pour l'essentiel. Mmh. Et il s'est dit, mais voilà ce qui va rester de moi, l'image d'un truqueur, d'un magouilleur, alors qu'il n'estime de pas l'être, hein, il estime que ce qu'il a fait, il l'a fait pour la cause, entre guillemets, alors que par ailleurs, ceux qui ont vraiment triché, on les voit encore parader, ils ont des beaux postes, ils sont députés, ils sont parfois, ils ont été présidents de la République, et c'est moi qui ai tout pris sur la tête. Et il nous a, la phrase qu'il m'a dit dès le départ et qu'il nous a redit souvent avec Gérard, il le disait en anglais, je sais pas, parce qu'il estimait qu'il y avait une expression anglaise qui correspondait parfaitement, qui est « I want to clean my name ». Je veux laver mon nom, c'est-à-dire laver son honneur. Je pense que c'est vraiment le moteur essentiel de ces confessions. C'est pour ça qu'il se présente en 94. Quand il fait son retour à Clichy. En 2014, pardon. Oui, oui, bah parce qu'il pense, si vous voulez, il pense que notamment à travers ce livre qui lui a servi un peu d'exutoire, voire de catharsis, il pense qu'il a lavé son honneur, il a tout dit enfin, et qu'il peut donc se représenter devant les électeurs en disant, vous voyez, j'ai fauté, j'ai avoué, et maintenant je peux repartir de zéro. Gérard, vous avez raconté nous comment, ça c'est un exemple, Schuller a été chargé en 90 par Patrick Balkany d'aller récupérer des fonds, je crois que c'est 2 millions de francs à Zurich, c'est ça? Comment ça se passe, ça? Patrick Balkany lui dit un jour, écoute, on a besoin, Jacques Chirac a besoin d'argent pour une quelconque campagne, il faut que tu rapatries de l'argent que tu avais caché en Suisse. Le système était assez simple, hein, si vous voulez, dans les Hauts-de-Seine, les entreprises qui voulaient soumissionner à des appels d'offres, eh bien elles versaient de l'argent au RPR, hein, à l'époque les lois étaient vraiment balbutiantes, et cet argent-là, eh bien il fallait bien le mettre quelque part en attendant, c'était souvent du cash, et donc le boulot de Schuller, c'était de cacher l'argent en Suisse. Et donc, lui, ce qu'il a été faire, c'est qu'il a été récupérer l'argent en Suisse, du liquide, et ensuite, il l'a planqué. Schuller est un passionné de chasse, il vit beaucoup en Alsace, et donc, il a planqué l'argent, il l'a enterré, l'argent, dans des Tupperware, au fin fond d'une forêt alsacienne. Et puis, à un moment donné, il a fallu repartir à Paris, il a été rechercher cet argent, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des Tupperware éventrés, mais plus d'argent du tout. Et en fait, il s'est passé que des sangliers avaient tout envoyé valdinguer et 2 millions de francs étaient partis dans la nature. Et donc, il a passé de longues heures avec son garde-chasse préféré pour réussir à remettre la main sur l'argent, ce qu'il a fait, et pour ramener l'argent à Patrick Balkany. Donc, voilà, c'était vraiment ça. On a le droit d'en sourire quand même. Oui, mais c'est vraiment ça son histoire à Schuller. C'est que c'est vraiment le type des aventures les plus improbables. Alors, quel est le rôle de Charles Pasqua? Alors, il pourrait y avoir une doctrine. Pasqua, je crois qu'il avait dit un jour, enfin, c'est le principe, quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne rien. C'est d'ailleurs souvent ce que font les gens que vous enquêtez ou d'autres confrères. Ouais. Hop, ils coupent un maillon de la chaîne, de sorte que notre investigation à nous, journalistes, devient extrêmement difficile. Hein. C'est ça qui veut répondre là-dessus, Fabrice Lhomme, par exemple. Oui, à travers notamment la fameuse affaire Maréchal Schuller, qui à un moment écartait on va dire les médias, voire les juges du problème principal, qui était un problème de financement au cul de partis politiques. Parce qu'elle a eu des implications sur la campagne électorale et le résultat aussi. Hein. Alors c'est, ça aussi, c'est, évidemment, ça a détourné notre attention de façon très forte. Voilà, alors après, c'est ce qu'on déduit. C'est vrai qu'on n'aura jamais la preuve absolue que sans l'affaire Schuller-Maréchal, il serait passé autre chose. Je pense quand même que Balladur était sur une pente déjà descendante au moment du scandale et que peut-être ça lui a porté un coup fatal. Maintenant, cette histoire est une histoire effectivement très trouble, très complexe, mais je ne suis pas certain que ceux qui ont essayé de l'instrumentaliser, il y a eu forcément intérêt. J'en prends pour exemple, vous me parliez de Charles Pasqua. Charles Pasqua, à l'époque, était un soutien d'Edouard Balladur. C'est lui donc qui décide ou qui autorise la mise sur écoute du beau-père du juge Alphen. Bon, très bien. À l'arrivée, Balladur a perdu. Donc, s'il y avait l'idée de réaliser un contre-feu, ça a été plutôt raté. Et c'est parfois ce qui se passe. Hein. Quand vous allumez aussi un contre-feu, vous pouvez provoquer un incendie que vous ne maîtrisez plus. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs dans l'affaire du Carrefour du Développement avec Chalier. Hein, c'était une affaire dans l'affaire, ça avait déclenché un contre-feu, mais c'était revenu comme un boomerang. Alors, Chalier, lui aussi, était parti loin de l'autre côté de l'Atlantique, comme Schuller, donc en 2002, alors après cette année au vert, on va dire comme ça, en 2002, à la suite de la révélation malencontreuse de son fils, Didier Schuller est donc de retour en France. Alors, avant son départ, il accepte de s'entretenir avec un journaliste d'une télé locale de Saint-Domingue. Je vous propose d'écouter, on va l'écouter ensemble, hein, un extrait de cet entretien. J'ai vécu ici un exil est toujours difficile. Un exil est toujours difficile. Mais la chaleur, la générosité du peuple dominicain et de tous mes amis que j'ai pu rencontrer nous a permis à ma famille et à moi-même de vivre des années extrêmement riche. Je travaillais pour le gouvernement français, j'ai eu l'occasion de travailler pour les plus grandes compagnies françaises. Quand il travaillait pour le gouvernement français, il a eu l'opportunité de travailler junto a las más grandes compañías francesas. Dans différents domaines. En compagnies différentes. Et depuis que j'habite dans le pays, j'ai fait beaucoup, beaucoup de publicité pour la République dominicaine. Est-ce qu'il faut vous dire adieu ou à la prochaine? Devons dire adios ou hasta la prochaine? Au revoir. Au revoir. Hasta pronto. Oui, oui. Je n'ai qu'une idée, c'est de revenir le plus vite possible pour rejoindre ma famille et reprendre une vie à cette fois-ci plus active et plus publique. D'autres ont connu des exils, en tout cas matériellement plus compliqués, hein, parce que psychologiquement c'est toujours difficile. Mais il avait vraiment une vie de nabab, non ? Il avait une vie, il a adoré sa vie à Saint-Domingue, d'ailleurs il y est retourné plusieurs fois depuis. Il a adoré cette vie parce que c'était la belle vie. Hein. Il faut savoir que son exil était financé de l'extérieur. Il ne faut pas oublier que les Balkany, les Pasqua lui ont apporté nombre de subsides pour réussir à survivre plus que correctement. Et là-bas, à Saint-Domingue, on vit très facilement avec peu d'argent. Donc il a adoré cette vie là-bas. Et par ailleurs, il a fait preuve de son immense talent politique, ou en tout cas d'organisateur, de pilote de l'appareil, parce qu'il a réussi à faire élire un président de la République dominicaine. Oui. Il y a participé au vu et au su de tout le monde, alors qu'il était en fuite. C'est quand même assez incroyable. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que cet homme-là, il était détenteur de secrets, mais ahurissant. Il avait peur d'être attaqué, agressé, pour ce qu'il savait. Parce que s'il avait pris la parole juste avant l'élection présidentielle, en France, très sincèrement, il est fort probable que Jacques Chirac aurait été ennuyé par la justice et qu'il ne serait pas présenté. Cela dit, Jacques Chirac n'a pas été plus ennuyé que ça par la cassette mairie. Vous savez, la cassette mairie. Je pense qu'il a eu peur. Je ne sais pas s'il a eu peur. En tout cas, il n'a pas été plus ennuyé que ça. C'est-à-dire que ça l'a quand même beaucoup gêné, hein, puisqu'il faut rappeler juste que Jean-Claude Méry était un promoteur qui avait confessé avoir donné de l'argent à Jacques Chirac. C'était Le Monde, où Gérard et moi travaillons toujours, qui avait révélé ça. C'était en 2000. Il y avait un problème avec la cassette Méry, c'est que l'accusateur, Jean-Claude Méry, au moment de la publication de ses aveux, était mort. C'était une cassette posthume. Donc personne n'a contesté l'authenticité de la vidéo, bien entendu. Mais évidemment, c'était très facile de dire il dit n'importe quoi. Lui ne pouvait pas se défendre. Justement, ce qui est intéressant avec Didier Schuller, et c'est ce qu'on a écrit dans le livre, c'est que lui, l'anecdote de Jean-Claude Méry remettant de l'argent à Jacques Chirac, à l'époque c'était quand il était à Matignon, entre 86, premier passage à Matignon, entre 86 et 88, cette anecdote, Didier Schuller nous l'a confirmée. Donc il aurait pu à l'époque confirmer. Et si lui avait confirmé l'anecdote de Méry, là ça aurait été autre chose, parce que lui était là, présent pour donner des détails. Et de la même manière, dans notre ouvrage, il a raconté plusieurs affaires similaires. Il a raconté comment, au début des années 90, donc dans une période qui est un peu la même que celle qu'évoquait Jean-Claude Méry, cette fois-ci à la mairie de Paris, avec Balkany, il a été voir Jacques Chirac pour lui remettre plusieurs millions de francs en liquide, de l'argent qui venait de la famille Hariri, dont Jacques Chirac est très proche, comme on le sait. Et cet argent, il nous raconte comment Jacques Chirac mettait les billets dans son coffre en sifflant la Marseillaise. C'est des scènes ahurissantes comme ça qu'il aurait pu raconter au moment de la campagne 2002 et qui aurait honnêtement pu coûter la réélection de Jacques Chirac. Sans compter que là aussi, on en a établi la preuve. Jacques Chirac est intervenu auprès du président de la République dominicaine pour que Didier Schuller reste sur place. Il a même promis de l'argent pour que Schuller reste sur place tant il avait peur que Schuller revienne juste avant la campagne 2002 et dise la vérité, sa vérité. Ouais, en fait, même on a pu effectivement dans le livre attester le fait que l'un des ministres du pouvoir à Saint-Domingue à l'époque nous a donc confirmé ce fait qui est quand même ahurissant. Et le but pour Jacques Chirac, c'était d'exfiltrer en fait Schuller parce que pour qu'il ne se fasse pas retrouver, et il lui avait été proposé d'aller en Colombie. C'est ce qui aurait pu se passer, et ce qui montre que cet homme était en fait considéré comme une bombe à retardement pour toute la droite française. D'ailleurs, c'était typiquement l'homme qui en savait trop. Hein. Donc face à l'homme qui en savait trop, il y a deux comportements possibles. Ou effectivement, il devient vraiment en danger, on l'élimine pour qu'il ne parle jamais, ou alors on le protège. Est-ce qu'il a reçu, Schuller, la visite de personnalités françaises pendant sa cavale ? En tout cas, il y avait une personne qui lui a rendu visite très régulièrement. Alors, Patrick Balkany s'en est occupé. Hein. Mais il y a aussi un avocat qui, à l'époque, était le monsieur Bonsoffice de Jacques Chirac et de la cellule qui gravitait autour de Jacques Chirac à l'Élysée, il y avait Dominique de Villepin et l'avocat Francis Piner. Et cet avocat-là, Francis Piner, est celui qui l'a convaincu de s'exiler et qui aussi a fait plusieurs fois le go-between pour réussir, pour lui amener de l'argent ou en tout cas le soutenir dans sa cavale. Donc voilà, ça s'est passé vraiment comme ça. Didier Schoeller était vraiment l'espèce d'ami public numéro un de la droite chiracienne de l'époque, mais il fallait surtout pas qu'il mette le pied en France ou qu'il parle. Et donc il a été choyé. Vous parliez tout à l'heure des faux passeports. D'où cela venait-il, les faux passeports? Didier Schoeller a toujours pensé que c'est Charles Pasqua qui l'avait fourni. Quel donc faux passeport. Le vrai faux passeport de Chaliot. Oui, c'est un espérant en la matière. Exactement. Il faut préciser qu'il était, pourquoi il était l'ennemi public. C'est parce qu'il a été rangé dans le camp des baladuriens, mais j'allais dire un peu à son insu. Comme il était dans les Hauts-de-Seine, et les Hauts-de-Seine avec Sarkozy, Pasqua, Balkany. Soutenait Balladur. Donc lui, il était là, il était mis dans le même sac. Mais ça le désolait beaucoup, puisque lui était plutôt humainement plus proche de Jacques Chirac, il se reconnaissait plus dans ses idées. Et puis surtout, de toute façon, Didier Schoeller savait des choses embarrassantes pour tout le monde, c'est-à-dire pour les Chiraciens comme pour les Balladuriens. Donc c'était effectivement l'ennemi à abattre, ou en tout cas à éloigner. Mais si on va terminer en écoutant, parce que on ne s'en lasse pas, Charles Pasqua. Alors depuis qu'on fait Affaires Sensibles sur France Inter, pas mal d'histoires croisent Charles Pasqua. Il faut que les croiser, parfois, pas forcément coupables bien sûr. Mais on croise Charles Pasqua parce qu'il était plusieurs fois ministre de l'Intérieur, et puis parce qu'on va revenir à l'affaire des financements occultes des campagnes du RPR, et on va écouter un extrait de l'excellent documentaire de Jean-Charles Deniau, Il était une fois dans l'Ouest, ou le roman noir du 92, produit par Roche Productions, dans lequel Charles Pasqua réagit à toutes ces affaires. Moi, je n'ai pas vu de dérapage. Non. Non. Il y avait des cahiers des charges, Non. Il n'y a jamais eu d'argent liquide qui circulait, de trucs comme ça? Vous m'avez bien regardé. Je suis le petit-fils d'un berger corse. Pour nous, mettez-vous une chose dans la tête, l'argent n'est pas la valeur principale. Voilà. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis aujourd'hui beaucoup moins pourvu en argent que je l'étais avant de me lancer dans la politique. Voilà. Moi, je me suis appauvri en politique. Je suis peut-être le roi des cons, c'est possible, mais c'est comme ça. Voilà. Personne n'est jamais venu me proposer d'argent. Parce que le premier qui m'aurait proposé de l'argent se serait retrouvé au trou. Voilà. Personne. Et l'argent pour financer un parti politique? L'argent pour financer un parti politique, Walou, je n'ai jamais vu. Bon, on va s'empêcher de sourire parce qu'il y a, voilà, c'est une personnalité, Charles Pasqua. Dernière question. La sortie de votre livre a eu pour conséquence l'ouverture d'une enquête préliminaire, puis une information judiciaire contre X pour blanchiment de fraude fiscale. On en est où, messieurs? Eh bien, Patrick Balkany a été mis en examen à plusieurs reprises, de même que son fils très récemment, et de même que Arnaud Claude aussi, qui est l'avocat de Monsieur Balkany, mais qui était aussi l'associé de Nicolas Sarkozy. Donc le juge Von Rimbeck démêle tout ça. Et pendant ce temps-là, Didier Schoeller, qui a clean son aime, comme disait Fabrice, qui a lavé son honneur, passe son temps à chasser en Alsace et on est très heureux. Merci infiniment à Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Je rappelle le titre de votre livre, French Corruption. Voilà, il faut le lire en complément de ce que nous venons de vous dire. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Didier Schoeller, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Buffet-Bontemps.